Chapitre 18. Après avoir ainsi parlé, Jésus partit avec ses disciples et alla de l'autre côté du ruisseau du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples y étaient souvent venus ensemble. Judas se rendit donc au jardin, emmenant avec lui une troupe de soldats et des gardes fournis par les chefs des prêtres et le parti des pharisiens. Ils étaient armés et portaient des lanternes et des torches. Alors Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança vers eux et leur demanda « Qui cherchez-vous ?»« Jésus de Nazareth. » « C'est moi, leur dit Jésus. » Judas, celui qui le trahissait, était là avec eux. Lorsque Jésus leur dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Jésus leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous ?»« Jésus de Nazareth. » Jésus leur répondit « Je vous ai déjà dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ces autres hommes. » C'est ainsi que devait se réaliser la parole qu'il avait dite « Je n'ai perdu aucun de ceux que toi, Père, tu m'as donné. » Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Mais Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans son fourreau. Penses-tu que je ne boirai pas la coupe de douleur que le Père m'a donnée ?» La troupe de soldats avec leur commandant et les gardes des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils le conduisirent tout d'abord chez Anne. Anne était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Or, c'est Caïphe qui avait donné ce conseil aux Juifs, « Il est préférable qu'un seul homme meure pour tout le peuple. » Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Cet autre disciple était connu du grand prêtre, de sorte qu'il entra en même temps que Jésus dans la cour intérieure de la maison du grand prêtre. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit et parla à la femme qui gardait la porte, puis il fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme ?»« Non, répondit-il, je n'en suis pas. » Comme il faisait froid, les serviteurs et les gardes avaient allumé du feu autour duquel ils se tenaient pour se chauffer. Pierre aussi se tenait avec eux et se chauffait. Le grand prêtre interrogea alors Jésus sur ses disciples et sur l'enseignement qu'il donnait. Jésus lui répondit, « J'ai parlé en public à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où se rassemblent tous les Juifs. Je n'ai rien dit en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont entendu ce que je leur ai dit. Ils savent bien, eux, de quoi je leur ai parlé. » Au moment où Jésus prononçait ces paroles, un des gardes qui se trouvait à côté de lui lui donna une gifle en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ?»« Si j'ai mal parlé, lui répliqua Jésus, montre-nous en quoi j'ai dit du mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Anne l'envoya alors, toujours lié, vers Caïphe, le grand prêtre. Pendant ce temps, Simon-Pierre, lui, restait là à se chauffer. On lui demanda, « N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme ?» Mais Pierre le nia, « Non, je n'en suis pas. » L'un des serviteurs du grand prêtre, qui était parent de l'homme à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Mais Pierre répondit de nouveau que ce n'était pas vrai. Et à ce moment même, un coq chanta. Puis ils emmenèrent Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur. C'était tôt le matin. Mais les Juifs n'entrèrent pas dans le palais afin de ne pas devenir impurs et de pouvoir manger le repas de la Pâque. C'est pourquoi Pilate, le gouverneur, sortit pour aller vers eux. Il leur demanda, « De quoi accusez-vous cet homme ?»« Si ce n'était pas un malfaiteur, lui répondirent-ils, nous ne serions pas venus te le livrer. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui répondirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'est ainsi que devait se réaliser la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Pilate rentra alors dans le palais. Il appela Jésus et lui demanda, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Dis-tu cela parce que tu y as pensé toi-même, ou parce que d'autres te l'ont dit de moi ?»« Suis-je un Juif, moi ?» reprit Pilate. « Ceux de ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour empêcher qu'on me livre aux Juifs. Mais non, mon royaume n'appartient pas à ce monde. » Pilate lui dit alors, « Tu es donc roi ?»« Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour parler de la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. » « Qu'est-ce que la vérité ?» lui demanda Pilate. Après avoir prononcé ces mots, Pilate sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Il leur déclara, « Je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. Mais selon la coutume que vous avez, je vous libère toujours un prisonnier à la fête de la Pâque. Voulez-vous que je vous libère le roi des Juifs ?» Alors ils se remirent à crier, « Non, pas lui !» C'est Barabbas que nous voulons. Or, ce Barabbas était un bandit.